Lydie, ôte-moi d'un doute, Lydie, dis-moi oui. Lydie m'a dit non, Lydie dit non, souvent. Lydie, avec Lydie est une île où je n'accosterai pas. Souvent Lydie dit non, Lydie dit non, souvent. Lydie dit pas en toi comme dans un livre. Lydie ne dit pas non, Lydie ne dit rien, Lydie dit rien. Lydie, j'ai vu la Méditerranée jusqu'à la Lydie. Lali est ta mère, amère Lydie, Lali est de toi, j'aurais été fou allié. Dis Lydie, dis-moi Lydie, pourquoi les collines se sont endormies quand tu es rentrée chez toi? Le ciel ici s'est livré à la nuit. Lydie, laisse flotter ta veste au-dessus de tes fesses, laisse-moi cette gourmandise avant que tu te volatilises, que ma vie redevienne grise. Lydie, oh que j'ai été, mes espoirs Halloween se sont brisés. Lydie, j'ai tellement cru que j'en deviens livide et mon odeur pâlit. Lydie, j'ai peur en toi comme dans un. Lydie ne dit rien, Lydie dit rien. Lydie, ôte-moi d'un doute, Lydie.